en présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Dimonier. Dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. Troisième épisode. Mardi 7 octobre, permanence à l'hôpital, service gynécologique. Je me souviens bien de notre première rencontre. Ça faisait déjà un an que j'avais été licenciée de l'usine. L'épicier disait que tu t'installais dans l'ancienne école, que tu aurais sûrement besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque ? Je t'ai appelée, tu as répondu tout de suite, parce que tu passais tes journées là-bas, à coller les papiers, à repeindre les fenêtres, à monter les étagères. J'ai dit, bonjour docteur, je suis Madame Leblanc. Je voulais savoir si vous n'auriez pas besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone au cabinet médical. Mais peut-être que la place est déjà prise. Il y a eu un grand silence et tu as répondu « C'est drôle, on m'a parlé de vous ce matin et j'allais vous appeler. » En principe, j'ouvre début mai. Quand pourrez-vous commencer ? Tout de suite. J'en ai assez d'être enfermée entre mes quatre murs. Mon mari trouve que ça ne me va pas du tout et les enfants n'aiment pas ça non plus. C'est parfait. Alors, ici... Je t'ai dit qu'il faudrait me donner quelques instructions au cas où on m'appelait en urgence. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise s'il y avait un blessé ou un empoisonnement ? Et il faudrait que je fasse un stage de secourisme. Il y en a 2 fois par an à la mairie. Ce sont les pompiers de la vallée qui nous donnent les cours. Je suis heureux de vous avoir rencontré si vite. J'ai beaucoup de chance. Nous allons sûrement nous entendre très bien. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Bon bah, alors à très vite. D'accord. Je vous raccompagne. Avec plaisir, oui. C'était il y a 7 ans. Merci. On devait commencer le 2 mai, mais tu as été absent toute la première semaine parce que ton père est décédé. Le lundi 2 au matin, pour la première fois, j'ai ouvert le cabinet médical à 8h30. À 9h30, j'avais déjà reçu 3 appels. J'ai rangé, briqué, j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone et vu beaucoup de gens qui venaient demander des renseignements. Tu m'as appelé à 3 ou 4 reprises pour me demander si tout allait bien. Ma foi, je ne mentirais pas trop mal. Et si les gens venaient ou appelaient autant la semaine suivante, tu ne tarderais pas à être surchargée de travail et peut-être qu'il me faudrait travailler à plein temps. Tu as ri. J'ai aussi fait un panneau indiquant les heures de consultation, en noir, les rendez-vous en bleu, ton jour de repos, le jeudi, en vert, et le numéro de téléphone où te joindre, en gros et en rouge. Et comme tu me l'avais demandé, j'ai ajouté, pour les visites dans la journée, merci d'appeler si possible avant 10h. Au bout de 3 mois, je me suis dit que j'aimais vraiment ça. M'occuper du cabinet médical, accueillir les gens, prendre les appels. Voilà comment je suis devenue ta secrétaire. J'ai mal au ventre. Je perds mes cheveux. J'ai une verrue. Je vois plus d'un œil. C'est la tête qui tourne. J'ai mal au dos. Ce serait pas l'attention. Ce serait pas l'attention. Ce serait pas la J'ai toujours soif. J'ai mal au dos. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Ça me gêne de dire toujours. J'ai de vous le dire. J'ai une douleur. J'ai une douleur. Je saigne. J'ai un truc. Cabinet médical de Plage, écoute. Allô ? Quand est-ce que le docteur y consulte à domicile ? Eh bien, aujourd'hui, il fait ses visites le matin. Vous auriez voulu qu'il passe vous voir ? Oui, c'est pour le père qui ne va pas bien. Vous êtes madame ? C'est pas pour moi, c'est pour le père, monsieur Mirbeau, au Genêt. Le docteur est déjà venu. Très bien, je note. Mais il faudrait que j'y parle avant qu'il vienne, parce que le père ne veut pas se soigner. Et il prend pas ses médicaments, alors il faudrait qu'il le secoue un peu. Et... Oui. Vous voulez que le docteur Saxe vous rappelle ? Ben... Ah. Attendez, madame, voilà justement le docteur qui arrive. Je vous fais patienter quelques instants et je vous le passe. C'est la fille de monsieur Mirbeau qui veut vous parler. Monsieur Mirbeau ? Oui, au Genêt. Il paraît que vous y êtes déjà allé. Je la prends. Très bien. Elles sont drôles, les femmes. Toutes pareilles, avec leurs enfants, avec leurs parents. Toujours le même combat, la même inquiétude, la même angoisse qu'on ne leur ait pas tout dit. Elles sentent bien que ça ne va pas. Elles le sentent dans leur chair. Et elles ont beau n'avoir que leur intuition à se mettre sous la dent, Va que je te tourne ça dans tous les sens, on va bien finir par lui trouver quelque chose de grave. Le mal de tête et la fièvre, ce serait pas la méningite? La fièvre et le mal de ventre, ce serait pas l'appendicite? Le mal de ventre et les vomissements, ce serait pas l'occlusion intestinale? Les vomissements et le mal de tête, ce serait pas la tumeur du cerveau? La douleur au cœur, ce serait pas l'infarctus? Et ça, ce sont les peurs avouées, les peurs articulées, les peurs imaginables. Mais il y a les autres, ancestrales, transmises sans mot dire de grand-mère en belle-fille. La peur des maladies jadis mortelles, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, la typhoïde, la tuberculose, dont on croit qu'elle n'existe plus parce qu'on n'en parle plus. Déjà qu'aujourd'hui, en plus, il y a le sida, le cancer, la myopathie et la maladie des poumons. Et puis, il y a les peurs irrationnelles, les peurs au jour le jour, les peurs que rien ne calme parce que la vie, c'est comme ça. On vit, on souffre, on pleure. On voit ses enfants pleurer. On voit ses parents vieillir, tomber, ne plus se relever parce qu'ils n'en ont plus envie. On se dit qu'un de ces jours, ce sera son tour à soi et qu'ils ne seront plus là pour nous aider. Elles ne savent pas quoi penser, alors elles parlent. Elles sont sûres d'être les seules à sentir et à voir ce qui se passe, mais c'est si difficile de se faire comprendre. Les docteurs, ça ne prend pas toujours le temps d'écouter, et lui non plus, elle non plus, quand c'est malade, ça ne veut rien entendre. Oui ? Vous irez voir Monsieur Mirbeau ce matin ? Oui, vers 11h30. Vous avez déjà 3 autres visites à faire. Ah, bon. Et Madame Réverzy a demandé que vous passiez avant 11h, parce qu'elle doit partir au travail. Je jette un coup d'œil au courrier, je passe un coup de fil et j'y vais. Très bien. Je retourne classer le courrier. Je glisse les examens à l'initiale du patient dans le dossier à onglet. Sur le coin du bureau est posé un formulaire d'aide médicale gratuite. Je le range dans une grande enveloppe contenant toutes sortes de papiers destinés à facturer à l'administration tout ce que les patients ne paient pas de leur poche. Consultation d'accident de travail, aide médicale, certificat de bonne santé des nourrices, réquisition nocturne par les gendarmes pour une prise de sang sur une personne en état d'ébriété, constatation de coups et blessures, permis d'inhumer. L'enveloppe est pleine à craquer, car tu ne renvoies jamais les papiers. Une fois les ordonnances mises au carré sur les feuilles de maladie, le gros livre rouge refermé, les stylos rangés, je ramasse les 3 revues encore sous plastique, posées près de la corbeille à papier, et je les empile dans le cagibi. Puis je retourne nettoyer les instruments qui trempent dans l'évier, au fond d'une bassine en matière plastique rose, emplie de liquide antiseptique. Docteur Boule, j'écoute. Salut Jérôme, c'est Bruno. Ah, c'est toi. Comment vas-tu ? Très bien, je ne te dérange pas longtemps. Je voulais seulement savoir si je peux te laisser mes urgences entre 12h30 et 15h. Je vais à l'hôpital. Pas de problème. J'ai pas vu un chat ce matin. Toi, c'est pareil ? Voilà. C'est vraiment calme. Hein. Il y a 5 ans, le mardi, c'était une grosse journée, mais avec l'augmentation de la population médicale et ces spécialistes qui posent tous leurs plaques boulevard Gustave Flaubert... Ouais, c'est pas facile. Et toi, ça va ? Tu bosses ? Ouais, c'est comme moi. Quel boulot de con, hein. Les gens nous prennent pour leur boy. Un jour, ils t'appellent en pleurant et t'es le seul à pouvoir les sauver. Le lendemain, ils changent de trottoir en te voyant sortir de la boulangerie. Si seulement il y avait moyen de faire un beau diagnostic de temps en temps, mais penses-tu ? Ça, c'est pour messieurs les spécialistes. Hein. Enfin, si, faut que je te raconte ça. La semaine dernière, j'ai vu un beau syndrome... Attends une de... seconde. Oui, madame Leblanc je... Ah, elle m'attend. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Oui, excuse-moi, Jérôme, il faut que je te quitte et on se rappelle. Merci pour ce midi, salut. Salut, et je te... Tu as déjà raccroché. Il n'y a plus moyen de discuter avec toi. T'es trop fuyant. T'as toujours été un drôle de type. Il y a quelques années, avant de t'installer, tu m'as amené un bébé, un petit-neveu ou un filleul, je crois. Tu terminais ton internat à Tourmence. Je voulais prendre 15 jours de vacances, j'avais beaucoup de travail à l'époque. Je t'ai proposé de me remplacer. T'as hésité, puis tu as tenu à me prévenir que tu t'installerais dans le coin. Je me suis demandé si c'était du lard ou du cochon. J'avais jamais entendu un jeune confrère annoncer la couleur. Et tu parlais sérieusement. Tu avais vraiment des scrupules à venir marcher sur mes plates-bandes. Je t'ai dit que ça ne faisait rien. Et c'était vrai, j'avais tellement de boulot que je savais plus où donner de la tête. Alors tu m'as remplacé un peu, 15 jours par-ci, 3 semaines par-là. Mes patients t'aimaient bien. Ils disaient que t'étais bavard, mais gentil. Et tu ne faisais pas trop de conneries, c'est un fait. Je t'ai invité à prendre le café une ou deux fois, tu m'as rendu l'appareil une ou deux fois, mais tu n'es jamais venu dîner. Même pendant ton remplacement, tu préférais rentrer chez toi. Je croyais que t'avais une amie. Je t'ai proposé de venir avec elle, mais tu m'as regardé de travers et répondu que tu vivais seul. Je peux insister, de toute manière, ma femme ne t'aime pas trop. Elle n'aime pas trop les médecins. À tout à l'heure, Madame Leblanc. À tout à l'heure, docteur. Est-ce que je vous revois avant midi ? Non, je pense que vous n'avez pas fini, j'irai directement à l'hôpital. Si vous avez un appel urgent entre 12 et 15 heures, prévenez le docteur Wu, comme d'habitude, il ne bouge pas de chez vous. Bon appétit, Madame Leblanc. Vous aussi, docteur. Pendant tes remplacements, mes patients t'avaient adopté. Ils disaient que t'étais très attentif, que tu repassais les voir même s'ils n'avaient rien demandé, que tu refusais de te faire payer. Genre, c'est juste une visite amicale. Agaçant. Tu me rappelais certains types comme on n'en voit plus. Genre médecin des mines au Niger ou généraliste dans un bled paumé du Massif Central. Des visites à 25 km à la ronde, pas d'hôpital à moins de 50, la neige en hiver et les chemins impraticables qu'il faut se taper pour faire les accouchements à domicile. Tout à fait ton genre. Borné, hyper moral, un peu con. Très con. Très apprécié. Après ton installation, beaucoup de mes patients ont changé de médecin. Venant de certains, ça m'a fait mal. Bon, les givrés, les maux de ventre fantômes, les plaintes à géométrie variable, les constipés chiantes, les nymphomanes manipulatrices, les alcooliques invétérés, les couples qui se tapent dessus exclusivement devant témoins, ceux-là, j'étais plutôt content de m'en débarrasser. T'as dû te les taper comme je l'ai fait à mon installation, c'est inévitable. Et en tout cas, une qui t'a pas raté, c'est la mère Renard, la plus grosse consommatrice de médicaments de tout le département. Finalement, ça c'est assez. Certains sont revenus et ça m'arrive de voir tes clients te quitter pour moi. Des gens que je n'ai jamais vus et que tu as déçus. Pas assez ferme, pas assez docteur, un peu trop grog aspirine. De temps en temps, quand je te croise sur la route, tu me fais des appels de phare. On se gare, chacun de son côté, on échange les courriers reçus par erreur. Tu me demandes des nouvelles des patients que tu as vus en garde. Ça me rappelle mes débuts. Moi aussi, je me faisais un sang d'encre pour les gens que je ne voyais qu'une fois. Aujourd'hui, j'ai d'autres soucis. Je ne crois pas que tu aies une grosse clientèle. Ça fait 6 ou 7 ans que tu t'es installé, mais si j'en crois la rumeur, tu vivotes. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. T'as pas changé de voiture depuis ton installation. Alors qu'au bout de 4 ans, on ne peut plus amortir un véhicule professionnel. La seule explication, c'est que tu n'as pas les moyens d'en acheter une autre. Régulièrement, j'entends dire que tu vas quitter Play. Bon, ça aussi, ça n'est qu'une rumeur, mais il y a toujours un fond de vérité. Bonjour, Madame Bujard. Bonjour, Bruno. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Prendras-tu un café ? Non, merci, tout à l'heure. Quel est le programme ? Il y a 3 dames aujourd'hui et 2 consultations. Tu viendras me signer les ordonnances avant de partir, je n'en ai plus. D'accord. Veux-tu que j'aille chercher la première dame ? Non, merci, j'y vais. Où est-elle ? Aux 2. Aux 2. Eh bien, nous allons voir ça. Si vous voulez bien vous déshabiller, je vais vous examiner. Gardez le haut. Madame Pujade, on ne me dérange plus. Est-ce que je peux garder mes chaussettes ? Oui, bien sûr. Asseyez-vous au bord de la table. Tu me fais allonger, placer les pieds sur les étriers qui se dressent au bout de la table. La surface rembourrée est ferme. Froide, malgré le drap de papier. Mettez les pieds dans les étriers. Sous ma tête, tu places un petit coussin. Tu t'assieds sur le tabouret. Un petit coussin. Tu allumes la lampe mobile qui se dresse derrière toi. Tu la braques entre mes cuisses. Tu ouvres la grande boîte métallique. Tu en sors un spéculum. Tu le gardes entre tes mains une dizaine de secondes. Tu le trempes dans la cupule. De deux doigts de la main gauche, tu écartes les lèvres de mon sexe et tu introduis le spéculum dans mon vagin. Je tends le cou pour regarder, mais ton visage a disparu entre mes cuisses et seul dépasse ton crâne orné de cheveux bruns. Tu aurais bien besoin d'un shampoing. Ça n'arrête pas, ça me démange et je suis tout le temps rendue aux toilettes. Et pendant les rapports, vous êtes gênée ? Oh, ça oui. Au moment de la pénétration ou après ? Des fois pendant, des fois après, ça dépend. De quoi ? Eh ben, s'il est pressé ou pas. Vous savez comment c'est, les hommes. Mmh. Depuis quand avez-vous des démangeaisons ? Depuis 4 ou 5 jours. Et votre mari, ça le démange aussi ? Non, enfin, il m'a rien dit. Il va falloir qu'il se soigne, lui aussi. Ah. Bon, je vais vous faire un prélèvement pour vérifier que ça n'est pas autre chose qu'un champignon, mais je ne pense pas. Tant mieux. Ça fait mal ? Le prélèvement, non, c'est comme un frottis. Un frottis ? On ne vous a jamais fait de frottis ? Je ne crois pas. Les mecs, comme c'est pas leurs fesses, ils en ont rien à foutre qu'on se fasse chier à prendre la pilule. Eux, du moment qu'ils tirent un coup... Mmh. Quand on vous entend, on a le sentiment que vous avez envie de tout laisser tomber. Ah, des fois, ouais, vraiment. Je me dis que je devrais prendre mes clics et mes claques et me barrer. Mais avec 2 enfants... Avec les varices que j'ai eues pendant mes grossesses, et puis je fume presque 2 paquets par jour, je me suis dit qu'il valait mieux passer à autre chose. Et qu'est-ce qui vous a décidé ? La conversation qu'on a eue la dernière fois. C'est vrai que la pilule, j'en avais assez. Je l'oubliais tout le temps. Quand vous m'avez montré un stérilet, j'ai vu que c'était minuscule. Je me suis dit que je serais plus tranquille. Voilà, c'est fini. Il est en place. Déjà ? Ouais. Ça y est. Je coupe les fils. Pas trop court quand même, mais rassurez-vous, il est très rare que ça bouge. Voilà, j'enlève le spéculum. C'est terminé. C'est fini, je peux me rhabiller ? Oui, si vous voulez bien remettre le bas et enlever votre soutien-gorge, je vais vous examiner les seins. La première fois que j'ai senti une tumeur du sein, c'était dans le sein d'une femme avec qui j'étais en train de faire l'amour. Quand j'étais nouvelle externe dans un service de médecine, on m'a demandé de faire un examen gynécologique, ou plus exactement un toucher vaginal, à une jeune fille un peu attardée. C'était la première fois, pour moi comme pour elle. J'ai noté sur le dossier que je l'avais fait et qu'il était normal, mais en réalité je ne l'avais pas touché. J'en ai gardé une certaine culpabilité jusqu'au moment où j'ai compris que l'interne avait simplement voulu me bizuter. Une nuit, à la maternité, on m'a chargé de recoudre l'épisiotomie d'une femme qui venait d'accoucher. J'avais déjà vu des gynécologues faire, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je lui cousais les grandes lèvres. Je suis enceinte. Ça fait des années que mon mari attend ça, et moi aussi. Et puis ça venait pas. Alors on n'y croyait plus. On s'était mis dans l'idée d'adopter. Et puis, voilà qu'il y a 2 mois, j'ai pas eu mes règles. Oh, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. J'ai beau n'avoir que 37 ans, ça doit être la ménopause précoce. Et puis, il y a 15 jours, je me suis mise à vomir comme une malade. Ma poitrine a gonflé, j'arrêtais pas d'aller aux toilettes. Alors j'ai fini par me dire, c'est pas naturel. La semaine dernière, je suis allée à la pharmacie faire un test, et il était positif. Mon mari était fou de joie. Vous comprenez, c'est un remariage. Lui, il a jamais pu avoir d'enfant avec sa première femme. Moi, mon premier mari me battait, alors à chaque fois que j'ai été enceinte, je me suis arrangée pour le faire passer sans lui dire. Et puis finalement, mon médecin m'a posé un stérilet en coupant le fil très court pour que mon premier mari le sente pas. Et comme j'ai fait des infections des trompes à répétition, vu que mon premier mari se lavait pas tous les jours et que dans la journée, il allait voir ailleurs, mais le soir, ça l'empêchait pas. Vous savez comment c'est, les hommes. Eh ben, je pensais que j'étais stérile. D'ailleurs, le gynécologue me l'avait dit. Alors quand mon deuxième mari a su que j'étais enceinte, forcément, il était fou de joie. Moi, un peu moins, parce que j'ai quand même 37 ans. Seulement hier... Je suis allée voir le gynécologue. Il m'a fait une échographie, et là j'ai vu que c'est pas possible. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Je sais que vous le direz pas à mon mari. Je lui dirai que j'ai fait une fausse couche. Ça lui fera de la peine, mais ce sera pas la première fois, et il sait ce que j'ai enduré avant mon divorce. Vous comprenez, j'ai déjà 37 ans. C'est vrai qu'il a attendu longtemps et qu'il commençait à désespérer. et que l'adoption, j'ai dit oui parce que j'ai bien vu qu'il y tenait, tandis que moi, après tout ce que j'ai enduré avec mon mari, le premier, je veux dire, ça me disait trop rien. D'ailleurs, côté rapport non plus, je suis pas folle de ça, mais il faut reconnaître que mon mari, le deuxième, il est très gentil et il travaille bien. Il bricole beaucoup pour la maison, alors forcément, je me disais, ça va lui faire plaisir, même si ça vient un peu tard. On pouvait adopter un enfant déjà grand, ça serait moins difficile. Mais une grossesse comme ça, sans prévenir, ça m'a tout de même fait un choc. Alors quand le gynécologue m'a dit ce qu'il en était, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai pas cessé d'y penser toute la nuit. J'ai beau avoir tourné ça dans tous les sens, je vois pas d'autre solution. Vous comprenez, j'ai déjà 37 ans. Mon mari 40. Et vraiment des jumeaux. Je crois pas que je pourrais. Pour ma fille, ce n'est pas un gynécologue qui m'a accouché, c'était un jeune médecin. La sage-femme lui montrait comment faire et le gynécologue était là. Il était très doux, ce jeune médecin. C'était mon quatrième accouchement. Je savais que ça se passerait bien de toute manière, mais lui, c'était son premier. Quand le bébé est né, il me l'a mis sur le ventre. Il est resté à côté de moi pendant de longues minutes à le regarder, à le toucher. Il était plus ému que mon mari. Je suis allée faire une demande au service des IVG et on m'a dit qu'il fallait que je voie un médecin. Mmh. La date de vos dernières règles ? 6 semaines. Vous prenez des médicaments ? Non. Vous avez déjà été opérée ? Bon, écoutez, je l'ai déjà dit à l'infirmière. C'est une décision difficile à prendre ? Vous voulez qu'on en parle ? Non. Je peux pas. Je vois que vous avez déjà un enfant. C'est un garçon ou une fille ? J'ai une fille métisse. Tous les enfants sont métisses. Oui, génétiquement, vous avez raison. Quelle est votre profession ? Je sais pas si je dois vous le dire. Vous allez vous moquer de moi. Pourquoi ? Je suis infirmière de nuit. C'est ridicule, non ? D'être infirmière de nuit ? Non, de se faire prendre comme ça. Je suis censée être au courant. Ça n'immunise pas d'être soignant. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je... C'était La maladie de Saxe, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. Troisième épisode. Avec... Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Flora Brunier. Julie Pouillon. Étienne Launay. Christophe Brou. Françoise Gaziot. Élise Roth. Anne Rousselet. Lisbeth Arasimornay. Aurore Bonjour. Célia Rosich. Yana Bitnerova. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. Bruitage. Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans. Musique originale. Dominique Massa. Jean Rondeau. Erwan Ricordo. Clémence Gouet. 70 ans passés. Équipe de réalisation. Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche.